Je t'avais promis de ne plus jamais rien, rien te promettre, de ne plus jamais, baby, baby, nous compromettre. Je t'avais promis de lointains paysages, des tonnes de sable fin, toi, moi, nu sur la plage. Je t'avais promis de ne plus jamais rien, rien me promettre, de ne plus jamais, baby, baby, nous compromettre. Je t'avais promis le soleil, les photos, les magazines, toi, moi, sur les îles Grenadines. Les soirs de blues, les soirs de loup s'engraisse, tu m'agresses. Les soirs de blues, les soirs de blues, les soirs de loup sans cesse, tu me délaisses, je n'aime plus ton amour. Plus jamais rien, rien te promettre, de ne plus jamais, baby, baby, nous compromettre. Je t'avais promis de lointains paysages, des tonnes de sable fin, toi, moi, nous, sur la plage. Thank you.